Le 7 août, le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a rendu publique une déclaration qui note, entre autres. Le 6 courant, les États-Unis ont fait adopter la résolution de sanctions numéro 2371 au Conseil de sécurité de l'ONU visant à bloquer intégralement le développement économique et l'amélioration de la vie de la population de notre République, tout en accusant notre lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de menace contre la paix et la sécurité internationale. Cette résolution scélérate sans précédent prévoit de bloquer intégralement même le commerce et les échanges économiques réguliers au nom du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui révèle nettement l'ambition sournoise des États-Unis de supprimer notre idéologie, notre régime et notre peuple. D'autre part, les Américains prétendent absurdement qu'ils mettent en considération un certain choix militaire contre notre État et se démènent frénétiquement. Les États-Unis, qui se vantent d'être unique superpuissance dans le monde, ainsi que les voisins de notre pays qui n'en sont pas moins puissants, se joignent à nous critiquer avec rage, très effrayés devant les deux lancements d'essais de notre fusée balistique intercontinentale. Leur démarche ne nous fait qu'agrandir la fierté envers notre puissance inépuisable et raffermir notre conviction selon laquelle notre choix est la seule issue. Face à la grave situation créée par la démarche désespérée des États-Unis et des forces hostiles, le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée déclare nettement sa position comme ce qui suit. Primo. Nous condamnons vertement la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU mise en scène par les États-Unis et autres forces hostiles comme la violation brutale contre la souveraineté de notre République et la rejetons catégoriquement. Tant que continue l'hostilité et la menace des États-Unis, nous ne mettrons jamais sur la table de négociation la dissuasion nucléaire autodéfensive, ni ne reculerons d'un seul pouce dans notre œuvre de renforcement des forces nucléaires nationales déjà choisies. Secondo. Comme les États-Unis ont fini par faire adopter la résolution de sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU visant à supprimer notre souveraineté et nos droits à l'existence et au développement, nous passerons à l'action de justice résolue comme nous l'avons déjà déclaré. Nous renforcerons plus fermement la force de la justice pour éliminer une fois pour toutes la source de l'agression et de la guerre face à la démarche des États-Unis qui recourt toujours aux provocations les plus scélérates et lâches, et nous la mènerons à terme. Tertio. Nous ferons des comptes à 100 et 1000 fois des pires crimes américains commis contre notre État et notre peuple. Même les pays qui ont reçu des compliments américains pour avoir comploté dans la coulisse avec les États-Unis en vue de fabriquer la résolution de sanctions ne peuvent jamais s'échapper de la responsabilité d'avoir aggravé la situation de la péninsule coréenne et empiré la paix et la sécurité de la région. Si jamais les États-Unis ne renoncent pas à leur tentative téméraire de nous supprimer et agissent à la légère, nous n'hésiterons pas à recourir à tous nos derniers moyens. À l'avenir aussi, nous porterons toujours haut la ligne de développement parallèle de l'économie nationale et des forces nucléaires, bannière éternelle de la défense de la paix, et suivrons jusqu'à la fin la voie que nous avons choisie sans aucune déviation.